François Rouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études développement du loisir pêche pour la Fédération Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. On a déjà découvert un poisson, le brochet, on a parlé réglementation, la carte de pêche bien sûr indispensable. Aujourd'hui on va s'intéresser à justement si on débute, pour ne pas faire n'importe quoi, comment apprendre bien à pêcher. Oui, alors en fait c'est vrai que c'est une pratique qui nécessite quand même un certain accompagnement. Se mettre à la pêche tout seul c'est pas facile, donc après il y a différents moyens. Le meilleur moyen quand même, c'est de connaître un pêcheur et de l'accompagner. Exactement. Et d'apprendre dans le cercle privé. Mais on ne connaît pas tous un pêcheur. Voilà, il y a des structures, en fait, différents acteurs qui interviennent pour l'apprentissage de la pêche. Alors, la fédération, en premier lieu, propose certaines animations, hein, des stages de pêche, des prestations aussi d'accompagnement individuel. Et en fait, il existe, notamment pour les enfants, mais c'est aussi ouvert aux plus grands, hein, et même aux adultes, un réseau d'écoles de pêche. Alors on appelle ça atelier pêche nature. Ce sont les écoles de pêche agréées qui sont donc gérées par les associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc c'est des structures en fait qui fonctionnent pendant l'année scolaire et qui proposent un programme d'apprentissage complet dans l'objectif de former des pêcheurs responsables, c'est important, éco-citoyens. Vraiment, ouais. On insiste là-dessus, et complet en termes de diversité de techniques et de connaissances des poissons. Quoi. Parce qu'être pêcheur aujourd'hui, c'est pas seulement jeter son appât dans l'eau et attendre, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, exactement, les berges. Exactement, la pêche, c'est pas que pêcher des poissons, c'est aussi de la curiosité, alors de la curiosité technique ou technologique par rapport au matériel de pêche, mm-hmm. Et c'est de la curiosité naturelle, c'est-à-dire que quand on est à la pêche, on est dehors, et qu'on n'observe pas que des poissons, on observe des batraciens, des oiseaux, des mammifères, des insectes, des plantes, et on peut s'intéresser aussi à tout ça parce que on est dans la nature et on doit la respecter. Voilà. Et de partager ce loisir avec d'autres en passant notamment par des associations, en apprenant, on apprend aussi tout ce qu'il y a autour de la pêche. Quoi, on apprend tout ce qu'il y a autour de la pêche. Alors encore une fois, les écoles de pêche, ça reste quand même des écoles de pêche, donc il y a quand même une sensibilisation à l'environnement et à la connaissance donc des poissons d'eau douce, hein, notamment. Mais il y a aussi, et en tout premier lieu, l'apprentissage des techniques de pêche, apprendre à bien pêcher. Donc il y a des séances en salle l'hiver avec le matériel pour apprendre un petit peu tout ça, et puis évidemment des ateliers pratiques au bord de l'eau, parce qu'à un moment donné, il faut tremper le fil. Voilà. On les retrouve où, ces assos? Alors, on a 5 ateliers pêche nature en Meurthe-et-Moselle, à Dombasle, à Lunéville, à Jarville, à Martincourt et à Jarny. Toutes les coordonnées sont sur le site internet de la fédération, donc www.pêche-54.fr. Autre chose? Il y a une prévention aussi des risques, hein, liés à l'activité pêche. Donc on brief aussi tout le monde sur le danger de pêcher à proximité des lignes électriques. Attention, vraiment interdit de pêcher à proximité des lignes électriques. On pêche avec des cannes en carbone qui sont conductrices d'électricité. Et en fait, même si on ne touche pas la ligne, il peut y avoir un arc électrique. Il faut faire très très très très attention à ça. Il y a aussi évidemment, au niveau des écoles de pêche, un apprentissage de la réglementation, tout ce qui est taille légale de capture, réserve, période d'ouverture, carte de pêche et sécurité liée à l'activité en général. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Pour plus d'informations, téléphonez au 03 83 56 27 44 ou sur le site www.pêche-54.fr.